C'est une enfant aux yeux étranges, aux sourires sadiques, maléfiques. Elle était enchante. Elle passe tout son temps à monter des plans diaboliques. C'est une vraie démente. La la la, la la la, la la la la, la la la, la la la. Son jeu préféré pour l'instant, c'est de découper ses poupées. Elle trouve ça grisant. Une fois dépecée dans sa chambre, ses poupées finissent d'omiser, refuser du sang. Lily trouve ça rigolo, Lily veut découper les oiseaux. Lily trouve ça excitant, Lily veut découper ses parents. Lily veut découper ses parents. La la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la. Mais Lily se sent seule dans son délire. La jolie maman la prend et la câline. Lily se sent comme toutes les petites filles. La la la, la la la, la la la, la la la, la la. C'est une enfant un brin méchante qui se réfugie dans ses crises de démence. Si elle agit ainsi face à ses parents, c'est pour voir ainsi qu'elle existe dans leurs yeux aimants. Lily trouve ça excitant, Lily veut découper ses parents. Lily veut découper ses parents. La la la, la la la, la la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la.